Les exploits de Piedebœuf, une enquête de Toto Fouinard par Jules Lermina. Où Toto Fouinard éclaircit le mystère de la rue du Pont-Neuf et transforme un assassiné en assassin. Chapitre 1er, le torchon brûle. Dans ce logis de la rue du Pont-Neuf transformé en bureau, M. Piedebœuf songeait. On se souvient qu'il avait dû quitter la préfecture à la suite d'aventures dans lesquelles il n'avait pas joué le beau rôle, ayant été convaincu de trahison envers ses chefs qui, purement et simplement, l'avaient mis à la porte. Certes, au premier moment, il criait bien fort qu'il rouspétait, qu'on n'avait pas le droit de le jeter dehors comme un vulgaire caniche. Mais on lui fit comprendre que certaines séquestrations exercées à l'encontre de M. Fouinard rentraient dans les justes limites du code pénal et qu'il eut à se tenir tranquille s'il ne préférait aller faire un tour dans les prisons qu'il avait jusque-là contribué à peupler. Alors il s'était replié en bon ordre, fielleux, haineux, surtout contre Fouinard qui, à ses yeux, personnifiait sa disgrâce et sa défaite. Mais M. Piedebœuf, Théophile, n'était pas de ceux qui se laissent abattre. Il voulait sa revanche et il l'aurait tonnerre de chien. D'abord, convaincu qu'il était un type dans le genre de Napoléon, apte à tout, doué d'un coup d'œil d'aigle, stratégiste de premier ordre, il s'était hâté d'établir un quartier général. Il logeait au quatrième étage d'une vieille maison de la rue du Pont-Neuf, menacée par les agrandissements de la Samaritaine, une antichambre, deux pièces et une cuisine. En ce local, plutôt exigu, il avait installé une agence. Sur la porte, un écriteau de cuivre, avec ce seul mot, Piedebœuf. 9 lettres, dont une double, cela suffisait, l'affirmation nette et ferme d'une puissance, de la force. Une banquette de cuir dans l'antichambre, un bureau, un casier et des chaises dans la deuxième pièce, un laboratoire de policiers, outils divers, costumes de travestissement, fausses barbes et perruques dans la seconde. Piedebœuf couchait, mangeait et popotait dans sa cuisine. Descartes, Bristol première qualité, énumérait les opérations auxquelles se livrait Piedebœuf, ancien sous-chef de service de la sûreté de la préfecture de police, OA, car il avait été palmipédé comme certains volatiles. Ses principales spécialités se nombraient ainsi enquête dans l'intérêt des familles, recherche de toute nature, succession, filiation, reconstitution d'état civil, surveillance discrète dans tout but honnête, constatation d'adultère, divorce, interdiction. En un mot, ajoutait ce prospectus succinct, l'agence Piedebœuf rend tous les services, à la fois occultes et délicats, ainsi qu'elle remplit toute mission de confiance et autres qu'on veut bien lui confier. Comme on le voit, le champ de son activité était des plus larges. Et pourtant, il n'y avait pas à se le dissimuler, les affaires ne marchaient pas, mais là, pas du tout. Certes, si Piedebœuf avait pu ne songer qu'à lui-même, les menus broutis qui lui étaient échus auraient pu subvenir à ses besoins en attendant la grosse aubaine. Mais il avait charge d'âme. Il avait entraîné dans sa disgrâce les 3 acolytes qui avaient naguère épousé sa querelle. Le gros Trochon, doué d'un appétit formidable, Verduret, le bouledogue qui ne se contentait pas de simples os à ronger, Gatapierre, dit l'échalas, maigre, glabre, et qui semblait la personnification de la faim. Piedebœuf possédait bien quelques économies, mais 4 hommes à nourrir constituent une lourde charge, sans parler des apéritifs nécessaires, et déjà l'ancien sous-chef entrevoyait la fin de ses quelques billets de 100 francs. La chance lui faisait défaut. Pour 2 ou 3 succès de médiocre rapport, il avait subi des échecs, des ratages, qui lui avaient laissé pour compte les frais engagés. Il avait fondé de grands espoirs sur l'affaire des diamants de la dame de la rue de Courcelles, mais ce sacré Fouinard lui avait coupé l'herbe sous le pied. Cela ne pouvait pas durer plus longtemps. C'est ce que Piedebœuf expliquait à ses 3 fidèles, venus comme chaque matin au rapport, vides et négatifs. « Mes enfants, leur disait-il, il faut se grouiller un peu mieux que ça. Qu'est-ce que vous fichez toute la journée? Je ne vous vois que quand vous venez me réclamer vos 100 sous quotidiens. Mais qu'est-ce que vous m'apportez en échange? Rien, rien, rien. Comme disait je ne sais quel député sous Louis-Philippe. Or, faites bien attention. Si ça continue, je ne m'échinerai pas à vous nourrir gratos pro deo. Je vous plaquerai dans les grands prix et je flanquerai la clé sous le paillasson. Mais, patron, il n'y a pas de patron qui tienne. Me prenez-vous donc pour une vache à lait? Vous supposez bien que moi je m'en tirerai toujours. J'ai bien voulu, par bonté d'âme, m'en battre de vos personnes. Mais si vous êtes assez serein pour ne déterrer aucune affaire, si vous êtes au-dessous du plus stupide courtier en épicerie qui place la mélasse de son patron, je n'ai pas besoin de vous, et vous pouvez aller vous faire payer où vous voudrez. Voyons, toi, Trochon, avec ta grosse face rougeaude et tes yeux ronds, je t'ai connu malin comme une chouette. À quoi es-tu bon? Je t'avais confié le quartier des Halles, là, au milieu des maraîchers, des paysans. Est-ce que tu ne devrais pas avoir déjà trouvé 20 affaires, quand ce ne serait que des recouvrements? Patron, dit Trochon, j'ai des affaires en train. Je la connais. C'est la blague de tous les courtiers qui ont des appointements fixes. Mais toi, père Duret, tu vas dans le monde, tu es un homme de sport, tu fréquentes tous les lads du quartier Marbeuf et de l'avenue de Neuilly. Ce monde-là connaît les affaires, plus ou moins propres, de ses maîtres. Il y a affaires, sacrédiers, et beaucoup. Enfin toi, Gatta-Pierre, avec la mine de Cabot défroquée, est-ce que le faubourg Saint-Germain ne t'offre pas la plus riche des mines à exploiter? Est-ce qu'il n'y a plus de vieilles douairières qui aient besoin de conseillers, de consolateurs, de fils de famille à ramener dans la bonne voie? Ah, parbleu, je vous comprends bien. Là-bas, à la tour pointue, on vous mâchait la besogne. Un tel à surveiller, celui-ci à filer, cet autre à dépister dans les bouches de Paris. La plupart du temps, vous marchiez à coup sûr. Vous écopiez bien de quelques torgnoles, mais le jour de la Sainte-Touche faisait tout oublier. Il se redressa et continua d'un ton solennel. Nous avons reconquis notre indépendance. Vous êtes vos maîtres, donc vous devez m'obéir. Vous luttez pour la vie. Patinez-vous un peu. Je vous donne encore 8 jours. Vous entendez bien, 8 jours. Mais si d'ici là, vous ne m'avez pas apporté chacun au moins une opération lucrative, alors vous pourrez vous fouiller. La caisse sera fermée. Fini. Fini. Et bonsoir, la compagnie. Mais patron, s'écria Verduret, je vous jure que nous faisons l'impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Les affaires ne tombent pas du ciel toutes rôties. Qu'elles soient seulement bouillies, ça suffirait. Vous ne nous abandonneriez pas comme ça, prononça Gatta-Pierre. Ce serait une infamie. Car après tout, gronda Tronchon, c'est vous qui nous avez fichus dans la mélasse. Vous dites? Nous disons, reprit Gatta-Pierre, que c'est pour vous que vous soyez chef de la sûreté que nous nous sommes fait ficher à la porte. Et qu'est-ce que ça nous fiche à nous que vous preniez la place de M. Charlet? Ah, c'est comme ça, cria Pied-de-Bœuf en se dressant de toute sa taille de colosse et donnant à son visage, barré d'une énorme moustache noire et cirée, une expression d'indicible majesté. Eh bien, vous pouvez fiche le camp tout de suite. Ça ne serait pas à faire, dit Verduret. Si tu crois que ça se passerait comme ça, moi d'abord, je veux 1 mois d'indemnité. Moi, 2 mois, articula nettement Gatta-Pierre. « Fais pas le malin, » conclut Trochon en hasardant un pas vers le maître. « Nous en avons maté de plus marioles que toi. »« Canaille !» hurla Pied-de-Bœuf. « Je vais vous casser la gueule, ça serait à voir !» firent les 3 hommes les poings tendus vers le patron. La scène se dessinait de fâcheuse façon. La poudre était sèche, comme dit l'autre, et la moindre étincelle pouvait provoquer une regrettable explosion. Prudemment, Pied-de-Bœuf s'était retranché derrière son bureau et sa main, fourrageant dans un tiroir, pouvait bien reparaître armée de quelque engin de défense. Quand soudain un vigoureux coup de sonnette tinta. Les 4 hommes eurent un sursaut et restèrent immobiles, pris d'une crainte vague. Mais au coup de sonnette succéda un tambourinement de coups de pied et de poing, tandis que des voix hurlaient « Monsieur Pied-de-Bœuf! Monsieur Pied-de-Bœuf! Qu'est-ce qu'on veut ? » cria-t-il à travers la porte. « Je suis en affaire. Mais il y a un crime horrible, épouvantable. Où ça ? Dans la maison, au 3e. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche ? » tonitrua-t-il encore. Mais une volée d'imprécations lui répondit. Les épithètes de lâche et de fainéant dominaient la tempête. Alors, écartant d'un geste ses 3 acolytes, il ouvrit brusquement la porte. Quelques-uns de ceux qui s'étaient avancés sur le palier tombèrent sur lui. « Quand on vous dit, monsieur Pied-de-Bœuf, qu'un locataire a été assassiné ici même dans la maison, eh bien, qu'est-ce que je puis y faire ? Mais vous êtes de la rousse ! » crie une voix, « ça vous regarde !» Monsieur Pied-de-Bœuf faillit répondre par une injure à l'adresse de son ancienne maison, mais une réflexion lui vint. Après tout, un assassinat, c'était une affaire possible, il ne fallait rien négliger, on ne sait jamais. Il répliqua d'un ton quasi majestueux, « Bien que je ne fasse plus partie de cette institution, cependant je connaissant à mettre au service de l'humanité mon bon vouloir et mon expérience. Mais pas tant de phrases, venez donc !» On l'entraîna sur l'escalier, On descendit un étage, puis on s'arrêta devant une porte à demi ouverte. C'est là ? Mais oui, vous voyez bien ! Qu'est-ce que vous voulez que je voie puisque la porte est presque fermée ? Regardez par l'entrebâillement, il y a un cadavre qui cale la porte. Une femme de ménage expliquait qu'étant venue, comme tous les jours, à 9 heures du matin, pour faire le fourbi de M. Firmin, elle n'avait pas pu pousser la porte, qu'elle avait passé la tête et qu'elle avait vu un mort par terre, alors elle avait crié. « Peut-être bien un simple ivrogne, » gronda M. Pied-de-Bœuf. Cependant, la curiosité l'empoignait en même temps que l'amour-propre lui faisait comprendre ce que la foule attendait de lui. Donc, il introduisit entre le panneau et le chambranle un bras d'abord, puis une épaule, puis la moitié du torse, le ventre résistait, étant un peu proéminent. Mais l'ancien sous-chef était tenace. Il tira. Il eut un violent froissement de l'abdomen, puis un « an ». Il disparut à l'intérieur. Il était passé. Et on entendit sa voix puissante qui proférait des jurons retentissants. Ils étaient motivés par ceci.